vas payer pour ton insolence. T'es pas fatigué que je te mette à l'amende? Chef, on a des mecs sur la 7, là. C'est qui eux? Je veux que le savoir. Je connais tous leurs déplacements. Tu les perds pas. C'est bon. Hey! C'est pas de la frappe qu'on vend, c'est du feu. J'aime pas mais je te baisse, pour moi c'est qu'un jeu. Asseyez-vous bande de fils de tasse. C'est le premier jour de classe. AMG GTR pour la classe. Toute la rue parle de nous juste après ce casse. Fais ton 6 gros, fais ton manessi. En promenade tu grattes des galaxies. Monte dans mon vaisseau, on se barre d'ici pute. Si tu veux twerker dans une autre galaxie. Goro de Bobo, joue la sauf pour leur huc. Rolex Submariner couleur huc. Pour les pénaltys plus précis que Messi. Si c'est paro ici, claro que si. Y'a la presse, y'a le canon et y'a la scie. Les moutons, les oras, jour de tabassi. Tout se passe la noche, les démons sortent pour les pépés. J'tourne en calèche avec un cocher sans tête. Y'a les 22, faut que je m'arrache en 2-2. Deux pots sur RS, deux pots sur jambes de gueux. Animal sauvage, pour ça que j'prends en leu-leu. Animal sauvage, pour ça que j'prends en leu-leu. Suffit d'un instant, pour qu'on défoule le camp. Suffit d'un instant, pour qu'on défoule le camp. Y'a les 22, faut que je m'arrache en 2-2. Deux pots sur RS, deux pots sur jambes de gueux. Animal sauvage, pour ça que j'prends en leu-leu. Animal sauvage, pour ça que j'prends en leu-leu. Suffit d'un instant, fait du mal et personne l'avait prédit. Fini de briller dans le noir, la lumière est rentrée. J'ai fait du le ça pour avoir maxé quichta. J'ai toujours la vista, j'ai toujours la lipa. Y'a toujours de la coca, si t'en veux. Pas le temps pour les salopes, j'peux rentrer des pessons. Si elle voit ma butte, elle fera son vœu. Si tu vois le bout de mon canon, fais ton feu. Gucci, Fendi, j'peux la rue. Moi d'argent, mais j'peux toujours la rue. Qui permet d'avancer, ma gueule, c'est la rue. Qui permettra de répliquer, gros, c'est la rue. Tozo et chevaux, tu reconnais où tu nies. On frappe fort, on disparaît comme au kiné. En mode sport, 140 sur le péri. C'est souvent mon semi. Yaska, pasta, outras, outras, toujours au taquet. Restez fidèles, story, roseau, dépôt, bouson, contact, transat, on sort plus. J'ai bien les 22, faut que je m'arrache en 2-2. Deux pots sur RS, deux pots sur jambes de gueux. Animal sauvage, pour ça je prends en leu-leu. Animal sauvage, pour ça je prends en leu-leu. Suffit d'un instant, pour qu'on défoule quand suffit d'un instant, pour qu'on défoule quand y'a les 22, faut que je m'arrache en 2-2. Deux pots sur RS, deux pots sur jambes de gueux. Animal sauvage, pour ça je prends en leu-leu. Animal sauvage.